Elle a connu, sous votre respect, madame, un claqueur, petit-neveu d'un vieux matelassier du faubourg Saint-Marceau, se feignant, comme tous les jolis garçons, un souteneur de pièces, quoi. Et la coqueluche du boulevard du Temple, où il travaille aux pièces nouvelles et soigne les entrées des actrices, comme il dit. Dans la matinée, il déjeune, avant le spectacle, il dîne pour se monter la tête, enfin, il aime les liqueurs et le billard de naissance. C'est pas un état, cela, que je disais à Olympe. C'est malheureusement un état, dit Josepha. Enfin, Olympe avait la tête perdue pour ce gars-là, qui, madame, ne voyait pas bonne compagnie, à preuve qu'il a failli être arrêté dans l'estaminet où sont les voleurs. Mais pour lors, monsieur Brolard, le chef de la claque, l'a réclamé. Ça porte des boucles d'oreilles en or, et sa vie de ne rien faire, au crochet des femmes, qui sont folles de ces belles hommes-là. Il a mangé tout l'argent que monsieur Toole donnait à la petite. L'établissement allait fort mal. Ce qui venait de la broderie allait au billard. Pour lors, ce gars-là, madame, avait une sœur jolie, qui faisait le même état que son frère, une pas grand-chose, dans le quartier des étudiants. Une lorette de la chaumière, dit Josepha.